agent règle la traversée de la rue à hauteur d'un passage pour piétons. Je le vois de dos, bras écartés, et bien qu'il y ait un espace suffisant entre lui et le trottoir, je dois respecter l'ordre donné qui est de s'arrêter. Il est évident qu'à cet endroit, des enfants vont traverser, sinon la présence de l'agent ne se justifierait pas. Réponse B.